après sa mort, il reste un héros pour la jeunesse africaine, Thomas Sankara, un simple capitaine qui avait débaptisé son pays, la Haute-Volta, pour l'appeler le Burkina Faso, c'est-à-dire la terre des hommes intègres. Tout un programme, à l'image de cet homme qui voulait être avant tout le président des pauvres. Le Burkina Faso n'a pas changé de nom, mais Sankara a été assassiné. Et la terre des hommes intègres vit toujours dans le souvenir de cette figure mythique. Pourquoi a-t-on éliminé ce jeune révolutionnaire? Qui a pris la décision de le faire disparaître? La procédure judiciaire, qui est toujours en cours, n'a pas permis de répondre à ces questions, mais il est évident que le bouillant capitaine gênait beaucoup de monde, et pas seulement dans son pays. Monsieur X m'a souvent parlé de l'Afrique où, dans les soubresauts de la décolonisation, les services secrets ont joué un rôle toujours trouble et parfois néfaste. La France, en particulier, a maintes fois été tentée d'intervenir dans ses anciennes colonies où elle a gardé de nombreux intérêts et qu'elle considère, à tort ou à raison, comme sa chasse gardée. Or, on ne peut éviter de le souligner, la disparition de Thomas Sankara a eu lieu en 1987 sous la première cohabitation et alors qu'un certain Jacques Foccart était à nouveau en charge des affaires africaines à côté du Premier ministre. Foccart, l'homme qui auprès du général de Gaulle puis de Georges Pompidou a exercé une tutelle vigilante sur l'Afrique francophone à travers ses réseaux. Nous verrons avec M. X si la France a donc été mêlée à cette sombre affaire. Auparavant, je vous propose ces quelques lignes extraites de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Elles expriment bien ce qu'était Thomas Sankara et ce qu'il symbolisait pour les Africains. Thomas Sankara fait irruption le 4 août 1983 dans le train-train quotidien d'une génération en mal de repères. Penser en Afrique était alors risqué, rêver quasiment prohibé. Pas un Lumumba, pas un Nkrumah à l'horizon pour faire la nique aux baronnies et aux conservatismes qui, presque partout, se sont installés au pouvoir. Le coup d'État du 4 août, c'en était un, installe aux commandes d'un des pays les plus pauvres du monde un jeune officier de 33 ans, passablement différent des autres, gueule de crooner, crâneur, le sens de la formule, la répartie facile, magicien du verbe préoccupé par le sort des démunis et des marginaux, bref, tout à l'opposé des Oufouet, Bongo, Kouchné, Mobutu et autres Eyadema. L'intrus imposa d'emblée son style chez lui et alentour. Le cocktail Sankara, un zeste de marxisme, un soupçon de guévarisme, un rien de panafricanisme et d'humanisme chrétien, il échappa en effet de peu à la prêtrise. Il utilisait volontiers un vocable marxiste, faute de mieux, il cherchait surtout à secouer les cocotiers, souligne l'universitaire béninois Stanislas. Tel était donc l'homme qui a été abattu d'une rafale de mitraillettes le 15 octobre 1987. Il ne faut pas avoir peur de le dire, notre pays n'a jamais entretenu de rapports cordiaux avec Sankara. Pourquoi? Il avait peur? Il l'inquiétait plutôt, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'il entendait remettre en cause le fondement même des relations entre notre pays et les pays africains. Oui, c'est en gros le néocolonialisme. Ou la France-Afrique, ainsi que l'a appelé l'un de vos confrères, François-Xavier Verchat. Je connais son bouquin. C'est-à-dire tout un entrelac de lobbies, d'intérêts croisés qui a longtemps permis de garder l'Afrique francophone sous dépendance et d'en faire une pompe afrique. J'ajoute, ça vous étonnera pas, que si Sankara inquiétait nos dirigeants, il n'était pas non plus très bien vu par les caciques en place dans les autres pays africains. Risque de contagion? Bien sûr. Puis il y avait les liaisons dangereuses qu'il entretenait avec le monde communiste et le colonel Kadhafi. Ouais, ça fait en effet beaucoup. Oui, enfin pour être tout à fait honnête, il faut dire qu'à l'intérieur même de son propre pays, le capitaine Sankara était de plus en plus critiqué et que la révolution née dans l'enthousiasme commençait à lasser ses compatriotes. Ouais. De nombreuses personnes avaient donc intérêt à le liquider. C'est certain. Et si on cherche à savoir à qui a profité le crime, on a l'embarras du choix. Ouais, mais vous, je suis sûr que vous avez une idée. Bon, écoutez, n'allons pas trop vite. Bah, oui, je vais m'y attendre. Alors, commencez par vous voulez, au fond. Hein. Ah, c'est très aimable, ça. Bon, le Burkina Faso, d'abord. Ou plutôt la Haute-Volta, comme cet État s'appelait avant l'ère Sankara. C'est un petit pays, un peu moins de la moitié de la superficie de la France. Ouais. La population? Oh, dans les années 80, à peu près 8 millions d'habitants. Une très faible densité. Oui, autre particularité, le Burkina Faso est un pays enclavé, sans accès à la mer. C'est-à-dire que c'est un pays qui dépend de ses voisins. Surtout de la Côte d'Ivoire. Les deux pays ont eu une histoire commune pendant la période de la colonisation. Et vous n'ignorez pas qu'un grand nombre de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire. ce qui ne va pas sans créer quelques difficultés. Ces exilés ont quitté un pays trop pauvre. Un des plus pauvres de la planète, et le climat l'explique en partie. Au nord, c'est le Sahel, et au centre, c'est un climat soudanais. Soudanais, c'est la savane. La savane, oui. Et s'il n'y pleut pas, c'est bien sûr la catastrophe. Il n'y a donc que les vallées qui sont fertiles. Et pas de richesse naturelle ? Une seule, le manganèse. Mais enfin, c'est bien peu. La Haute-Volta, comme les autres colonies françaises, devient indépendante en 1960. Hein, c'est bien ça, oui. La force politique dominante est alors le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui a été créé par Félix Houphouët-Boigny. Ouais, c'est-à-dire celui qui sera le président ivoirien. Oui, Houphouët, il faut s'en souvenir, a été ministre d'État en France. Ouais. Et il a préparé l'accession à l'indépendance des colonies francophones. Une accession tout en douceur. Hein. Houphouët-Boigny ne voulait surtout pas rompre avec la France et au sein de son propre parti, ça lui créera des ennuis avec sa base beaucoup plus anticolonialiste que lui. On a même dit qu'il a été l'homme de la France en Afrique. L'un des hommes, en tout cas. Mais je reprends, le premier président de la Haute-Volta est un certain Yaméogo. En 1966, il est renversé. Ouais, pour quelle raison ? La corruption, une des maladies endémiques des pays du tiers-monde, souvent encouragées, sinon initiées par l'ex-colonisateur qui y trouve son compte. Donc, Yaméogo est chassé du pouvoir. Ce sont les syndicats très puissants en Haute-Volta qui ont joué un rôle déterminant. Qui lui succède alors ? Oh, un brave général, la Misana. La suite est chaotique, enfin je vais aller vite. Il y a plusieurs coups d'État, le RDA s'écroule peu à peu et le pays miné par de longues périodes de sécheresse s'enfonce dans la misère. Au début des années 80, c'est un colonel qui est au pouvoir. Et il appelle au gouvernement un jeune capitaine, Thomas Sankara, qui prend le portefeuille de l'information après avoir longtemps hésité. C'est sa première entrée en politique. Hein, officiellement, Sankara. Oui. Mais en fait, depuis longtemps, Sankara suit les affaires politiques de très près, même s'il ne s'en mêle pas directement. Et d'où vient-il ? C'est le fils d'un peuple et d'une Mossi, l'ethnie majoritaire en Haute-Volta. Brillant élève, il est remarqué par les prêtres d'une mission catholique qui l'aurait bien vu prendre le chemin du séminaire. Enfin, le jeune Thomas veut devenir médecin. Toutefois, comme il ne tient pas de bourse, il choisit en désespoir de cause la carrière militaire. Ce n'est donc pas une vocation ? Absolument pas. Son destin se dessine à Madagascar, où il a rejoint l'académie militaire. En effet, il y assiste en direct, si je puis dire, au grand tournant malgache vers le socialisme. Et ça le passionne ? Oui, j'ajoute que ce militaire hors norme s'intéresse aussi à l'économie, aux sciences politiques, au journalisme. Un esprit curieux, donc. Très éclectique, oui. Il faut aussi noter que c'est à Madagascar que Sankara perfectionne son français. Ah, oui. Il deviendra d'ailleurs un grand orateur dans notre langue. Après Madagascar, il fait des stages en France chez les parachutistes, puis au Maroc, où il se lie d'amitié avec un camarade Blaise Compaoré. C'est l'actuel président du Burkina Faso. Oui, hein, oui, l'homme qui lui a succédé dans les conditions que nous verrons. Après le Maroc, Sankara revient au pays et il s'illustre dans une petite guerre qui oppose la Haute-Volta et le Mali pour quelques arpents de terre. Quand vous dites qu'il s'illustre... Ce jeune lieutenant montre de réelles qualités de combattant, de chef. Ça lui vaut de prendre le commandement d'une école militaire chargée de former les commandos. Son ami, Compaoré, l'y rejoint et devient son adjoint. Sankara est alors le militaire le plus célèbre de la Haute-Volta. Ouais. Et alors, son entrée en politique Je vous ai dit que Sankara avait été très marqué par ce qu'il avait vu à Madagascar. Et très vite, le capitaine devient naturellement le leader d'un petit groupe d'officiers très engagés à gauche, sinon à l'extrême gauche et résolument anticolonialiste. En fait, et ce sera la véritable motivation personnelle de Sankara, c'est la corruption des dirigeants voltaïques qui les révolte et guide leur action. Et aussi la conviction que le pays doit se sortir d'affaires tout seul. Ah, mais c'est-à-dire sans dépendre de la France. Évidemment. Alors, revenons à ce que vous disiez. Hein. Au début des années 80, Sankara accepte d'entrer au gouvernement. Oui, et il impose son style. La simplicité et l'efficacité. Par exemple ? C'est un ministre qui se déplace à bicyclette et qui fait travailler ses fonctionnaires. Enfin, il démissionne bien vite. Et que se passe-t-il alors ? La corruption, toujours. Sankara n'est pas entendu. Il part. Ça lui vaut d'être mis aux arrêts. Pour peu de temps, un nouveau coup d'état militaire chasse le colonel qui s'était imposé en 1980. Alors, est-ce que Sankara et ses amis officiers sont derrière ? Ils approuvent en tout cas, et le nouveau président, un médecin militaire, propose à Thomas Sankara de prendre la tête du gouvernement. Il accepte ? Oui, il saute le pas pour de bon cette fois-ci, et il opère un radical changement de politique, non seulement à l'intérieur où il s'attaque au redressement économique, à l'équité salariale et à la lutte contre la corruption, mais aussi à l'extérieur où il se tourne vers les pays dits progressistes. Quoi ? Éthiopie, Libye, Angola, etc. Dès ce moment, certains commencent à envisager sérieusement de se débarrasser de lui. Monsieur X l'a dit, le séjour de Thomas Sankara à Madagascar a été essentiel. Et c'est à l'Académie militaire malgache que l'homme s'est réellement formé. Ainsi, je lis ces quelques lignes dans l'ouvrage de François-Xavier Verschave, « La France-Afrique, le plus long scandale de la République », paru en 1998 chez Stock. Il y a trouvé, complémentaire de la lecture, un moyen d'étancher sa soif d'apprendre, de comprendre, avec une question constante, le développement, ou comment sortir d'une misère asservissante. À cet égard, le passage par l'académie militaire d'Antsirabe, à Madagascar, s'avère décisif. Par les échanges entre élèves officiers africains, que Sankara ne cesse de stimuler, par l'influence de quelques enseignants atypiques et la curiosité partagée avec l'animalien Lansina Sidibé, Sankara ne se contente pas de relancer sans cesse la discussion économique et politique, il cultive une palette étonnante de qualités. La stratégie militaire, l'humour oratoire, la rédaction d'un périodique, la course de fond, ce fut un excellent coureur de 5000 mètres, et la guitare. Surtout, il ne cesse de s'interroger sur les échecs de la première décennie des indépendances africaines. Avide d'expérience, il reste une année supplémentaire dans un Madagascar en pleine révolution. Il y accomplit un service civique tourné vers le développement rural. Il étudie, mais il va aussi cultiver le riz dans la boue. Qui cherche donc à se débarrasser du Premier ministre Sankara ? À Paris, mais aussi chez le voisin ivoirien, on n'apprécie que très modérément les initiatives des capitaines Sankara. Attendez, à Paris, à l'époque, là, c'est maintenant la gauche qui est au pouvoir. Et vous croyez que ça change quelque chose ? Non, la politique africaine demeure la même. Rappelez-vous ce qui est arrivé au Premier ministre de la coopération de François Mitterrand, Jean-Pierre Cotte. Il rêvait d'instaurer de nouveaux rapports entre la France et nos anciennes colonies. Plus clair, plus généreux. Enfin, il a été prestement débarqué. Ouais. Et c'est l'Élysée qui continue à piloter en direct les affaires africaines ? Naturellement. Il y a les beaux discours et puis il y a la réalité. Les réseaux mis en place autrefois par Focard sont demeurés en place et ils ont coexisté sans état d'âme avec les nouvelles connexions initiées par les nouveaux dirigeants français. Et on soupçonnait Sankara de vouloir troubler ce joli système. Oui, écoutez bien ce qui va arriver. 4 mois seulement après sa nomination au poste de Premier ministre, Sankara est arrêté sur ordre du président Voltaïque. C'est bien la preuve qu'il dérange, non ? Oui, mais est-ce qu'on a la preuve que le président a subi des pressions, par exemple, pour éliminer Sankara ? La preuve, non. Enfin, il faut remarquer que cette arrestation du capitaine coïncide avec une visite à Ouagadougou du conseiller de Mitterrand pour les affaires africaines, Guy Penn. Une étrange coïncidence, c'est ça ? On peut au moins se poser la question, d'autant que Guy Penn n'arrive pas les mains vides. Il annonce l'octroi par la France d'une aide exceptionnelle de plusieurs centaines de millions de francs. Pour vous, ça ressemble à un cadeau de remerciement. Ça y ressemble. On aurait voulu féliciter le président Voltaïque d'avoir arrêté Sankara, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Ouais. Je ne sais pas si vous avez raison, mais enfin, avouez que si réellement la France a joué un rôle dans cette affaire, la présence de Guy Penn à Ouagadougou était plutôt maladroite, non ? Un peu trop voyante, vous voulez dire ? Bah oui, peut-être. Oui. Enfin, en tout cas, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que la population gronde et que les militaires ne vont pas tarder à sortir de leur caserne. Le président a manifestement sous-estimé l'immense popularité de Thomas Sankara. Et au début du mois d'août, il est balayé par un nouveau coup d'État qui porte le capitaine au pouvoir. Ah, c'est la revanche, là. Oui, Sankara prend la tête d'un conseil national de la Révolution, où l'on retrouve de jeunes officiers comme lui. Ils veulent réformer profondément le pays, combattre le sous-développement et mettre résolument la barre à gauche. Mmh. Son ami, là, Compaoré, fait partie de ce conseil. Bien sûr, Compaoré devient le bras droit de Sankara. C'est le conseiller, le confident, un vrai frère jumeau. Mais est-ce que ça change vraiment ? Bon, la Haute-Volta devient le Burkina Faso. Enfin, ça ne suffit pas. Vous avez raison, ce changement de nom est surtout emblématique. Mais Sankara se met rapidement au travail. D'abord, il impose au nouveau ministre un train de vie spartiate. Les grosses limousines du gouvernement sont vendues et Sankara lui-même roule à bord d'une modeste TR5. Ensuite, il entend mobiliser la population burkinabé. C'est-à-dire ? Beaucoup de chefs coutumiers sont remplacés localement par des comités de défense de la Révolution. Il s'agit de miser à fond sur l'éducation et la santé, car l'état sanitaire du pays est déplorable. Je crois qu'à l'époque, l'espérance de vie des Burkinabés dépasse à peine 40 ans. Ouais. Et tout ça donne des résultats ? Oui, car la population est enthousiasmée par son nouveau président. Elle ne peut que souscrire aux efforts que lui demande Sankara. Elle ne peut qu'approuver lorsqu'il décide de s'attaquer à la bureaucratie et à limiter de façon drastique le budget de l'État. Seul point noir, la révocation de milliers de fonctionnaires. Enfin, vous le savez, en Afrique, un fonctionnaire fait vivre toute une parenthèse. Ouais. Et la lutte contre la corruption. Ah bah, c'est bien entendu un des objectifs principaux de Sankara. Pour ce faire, il encourage ses compatriotes à faire preuve de rigueur et à consommer de préférence les produits locaux. Afin de limiter les importations. Oui, Sankara entend faire en sorte que son pays ne soit plus obligé de solliciter l'aide extérieure. Et en particulier l'aide de la France, c'est ça? Mais, bien sûr, ça ne pourrait être que progressif tant la situation économique du Burkina Faso est lamentable. Ouais. Donc, Sankara devra encore tendre la main. Et ça doit lui coûter. C'est pourquoi il fait appel à la coopération de la Libye et qu'il noue des relations privilégiées avec les pays communistes. Et les pays communistes. Est-il, lui, pour autant communiste lui-même? Non. C'est un marxiste très pragmatique qui se méfie des idéologies. Il est un peu naïf, peut-être, et populiste, certainement. Mais il se garde bien de s'aligner sur les positions du camp de l'Est. Et il condamnera, par exemple, l'intervention soviétique en Afghanistan. Autre question. Est-ce que cette révolution, comme souvent, sa campagne de violence? Il y a eu bien sûr des bavures, mais très peu de morts. Sankara personnellement s'oppose à l'utilisation de la violence aveugle. Et les anciens dirigeants soupçonnés de corruption sont jugés publiquement, en pleine transparence, puisque les débats sont retransmis intégralement par la radio. Sankara a par ailleurs décidé avant même l'ouverture de ses procès qu'il n'y aurait pas de condamnation à mort. Pardonnez-moi, mais vous me semblez bien peu critique vis-à-vis de Sankara. Non, car le capitaine président va commettre des erreurs. Le régime va peu à peu se déliter. Et Sankara lui-même sera victime de sa trop grande naïveté. Mais il faut reconnaître que ce jeune dirigeant faisait passer un courant d'air frais sur un continent accablé par la misère et la corruption. Il y avait enfin un homme décidé à prendre à bras-le-corps le destin de son pays. D'accord, enfin, il n'empêche que je vous trouve quand même un peu trop enthousiaste. Peut-être. Enfin, je n'étais pas le seul à ce moment-là. Je dois rappeler que le capital de sympathie de Sankara était considérable. C'est un type nouveau de dirigeant du tiers-monde qui émergeait. Et nombreux ont été les gens qui ont fait le voyage de Ouagadougou pour aller rencontrer ce président si sympa qui participait à des courses cyclistes ou sortait à tout propos sa guitare. La guitare. Et vous-même? Non. Ah bon. Vous m'avez dit qu'il était obligé de tendre encore la main, alors... Comment évoluent ses relations avec la France? Elles ont été très tumultueuses. Ça commence presque aussitôt. Quelques mois après son arrivée au pouvoir, Sankara est convié à participer à un sommet franco-africain en France, à Vittel. Et lorsqu'il débarque à Roissy, le ministre qui devait l'accueillir n'est pas là. Et qui était celui-là? Christian Nucci. L'homme du carrefour du développement, c'est oui. Ça, oui. Et au lieu de Nucci, ministre de la coopération, c'est Guy Penn qui se présente. Autant vous dire que l'atmosphère est glaciale. Oui, parce que Sankara pense qu'il est à l'origine de son arrestation quelques mois plus tôt. C'est exactement ça. Et pour lui, c'est une véritable provocation. Et le président burkinabé menace de repartir immédiatement. Et finalement, François Mitterrand, furieux de ce ratage, lui a envoyé son fils, Jean-Christophe, papa m'a dit. Et les choses se sont arrangées, Sankara se contentant pour manifester son mécontentement de s'abstenir de paraître au dîner officiel. Finalement, ça s'est pas trop mal passé? Non, enfin, les rapports entre Mitterrand et Sankara n'ont jamais été très simples. Le président français était sans nul doute intéressé par ce jeune capitaine fougueux, spontané et honnête. Oui, vous voulez dire que ça devait le changer des autres dirigeants africains qu'il connaissait depuis si longtemps, c'est ça? Oui, enfin, bon, depuis les débuts de la 4e République, oui, lorsqu'il était ministre des colonies. Mais en même temps, il y avait un côté donneur de leçons chez Sankara qui l'agaçait profondément. Tenez, en 1986, par exemple, de retour d'un autre sommet franco-africain auquel Sankara refusait de se rendre, Mitterrand décide de s'arrêter à Ouagadougou. Une visite de courtoisie? C'est ça. Mmh. Eh bien, le président français doit subir une véritable volée de bois vert. Sankara, très en verve, tient un violent discours anti-impérialiste et reproche à la France de s'être salie en recevant deux bandits, deux tueurs, le premier ministre de l'Afrique du Sud et le représentant de la rébellion angolaise, Savimbi. Réaction de Mitterrand? Il est ulcéré, d'autant plus que c'est le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac qui est à l'origine de ces deux visites, si mes souvenirs sont bons. Enfin, Mitterrand remet le discours qu'il avait préparé dans sa poche et répond à sa façon ironique. Mm-hmm. Est-ce que c'est un épisode qui laissera des traces? Il est certain que l'hôte de l'Élysée n'a pas apprécié. Ouais. Mais, à l'instant même, là, vous évoquiez la cohabitation. J'imagine que si les relations de Sankara avec un gouvernement français de gauche ont été loin d'être excellentes, hein, c'est ça? Mm-hmm. Ça n'a pas dû s'arranger avec la droite. Évidemment, d'autant qu'un personnage a refait surface, Jacques Foccart. L'éminence grise du général de Gaulle. Et hein. Pour ce parrain au double sens du terme de l'Afrique francophone, Sankara, c'était le diable. Dans son livre « Mémoire meurtrie » paru chez Plomb, Jean-Christophe Mitterrand a récemment raconté lui-même sa mission de bons offices auprès de Thomas Sankara qui s'apprêtait à repartir dans son pays sans assister au sommet de Vittel. Je le cite. Sankara me reçut le visage fermé dans sa suite du méridien et se laissa petit à petit amadouer. Je lui expliquais et lui réexpliquais que jamais, au grand jamais, il n'avait été dans l'intention du gouvernement ou de Guy Pen de le faire emprisonner ni même de le mettre sur la touche et qu'il n'était pas dans les intentions de la France de s'immiscer dans les affaires des États africains ou de se substituer à lui. Les opérations de type Barracuda ne sont plus à l'ordre du jour, lui fis-je remarquer. Finalement, Sankara se rendit à mes positions. Pour marquer le coup, l'affront étant déjà connu à Ouagadougou, il refusa de participer au dîner des pays francophones le soir même, mais accepta de participer au sommet France-Afrique qui débutait le lendemain à Vittel. J'informai mon père de ma bonne fortune. « Tu ne le lâches pas, me prévint-il, je ne veux pas d'autres incidents. » À 6 heures du matin, j'étais devant la porte du président africain avec tout le tralala, protocole, etc., aux ordres. Arrivé à l'aéroport, en raison de son treillis militaire, le protocole voulut le mettre manu militari avec les aides de camp au lieu de l'introduire dans le salon d'honneur avec les autres présidents en partance pour Vittel. Il finit par en rire. Le sommet s'est impeccablement passé, mon père savait charmer quand il le fallait. Il est bien évident que dès le retour de la droite aux affaires en France, nos meilleurs amis africains se précipitent sur leur téléphone. Féliciter les vainqueurs. Et surtout pour demander à Jacques Foccart, revenu dans les bagages de Jacques Chirac, de mettre fin au scandale Sankara. Le scandale, vous n'exagérez pas un peu là? Non, ce jeune type intègre, progressiste, qui clamait tout qu'il fallait en finir avec le néocolonialisme et l'exploitation de l'Afrique, représentait pour tous ces dirigeants africains une provocation permanente. Et un danger aussi pour leur propre pouvoir. Car j'insiste encore, le capitaine Sankara est devenu rapidement un héros pour la jeunesse africaine. Peut-être encore plus que Lumumba, c'est dire. Bien. Y a-t-il un chef de file dans cette campagne anti-Sankara? Le mieux placé, parce qu'il est géographiquement le plus proche. Donc le plus menacé, c'est ça? Si vous voulez, oui. Il s'agit bien sûr de Fouad-Boigny. Le vieux chef est alors le leader incontesté de l'Afrique noire francophone. Et répétons-le, c'est l'homme de la France en Afrique. Oui, un grand ami de Foccart. Hein. Comme il était aussi très lié à Guy Pen, le conseiller de Mitterrand. Enfin bref, les relations entre le vieux Fouette et le jeune Sankara ne pouvaient être que détestables. Et de multiples incidents ont émaillé l'histoire des rapports entre leurs deux pays pendant la période Sankara. Et à votre avis, dès le retour de Foccart, on songe vraiment à se débarrasser de Sankara? Bien sûr. Les services secrets vont jouer un rôle alors? Les services français? Oh, comment pourrait-il en être autrement? L'Afrique est truffée d'agents, des anciens qui travaillent directement pour des dirigeants africains ou des compagnies françaises. Comme Elf, par exemple. Ouais. Naturellement, puis il y a aussi ceux qui sont en activité et qui veillent à préserver nos intérêts là-bas. Oui, ben, comment agir, hein? Attendez, un mot avant. Sankara n'est pas un ange. Je vous l'ai dit, il commet des erreurs. La révolution burkinabé n'est pas aussi idyllique qu'elle promettait de l'être. Dans le pays, les chefs des CDR... Ça, c'est les comités locaux, c'est ça? Oui, se conduisent en tyranno. Et la population commence à gronder. Ajoutez à cela la sécheresse, la famine, et une propension de Sankara à décider de tout lui-même, et vous obtenez une situation très explosive. Situation donc que d'aucuns pourraient exploiter. Mais Sankara, se rend-il compte qu'il doit réagir, corriger les excès? Oui, dès le milieu de l'année 1987, il dénonce publiquement et à plusieurs reprises les erreurs qui ont été commises. Il affirme que des injustices ont frappé certains citoyens. Il faut rectifier, dit-il. C'est aussi une forme d'autocritique. Incontestablement. Mais il est trop tard. Pourquoi? Parce qu'on a déjà décidé de le liquider? Certainement. Et pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, mais c'est Thomas Sankara qui va être rectifié. Oui. Le 15 octobre, à Ouagadougou, alors que le président burkinabé va participer à une réunion, un commando d'élite de l'armée surgit. Sankara est abattu par une rafale de mitraillettes. 7 de ses collaborateurs sont également exécutés. Mais Sankara n'était pas protégé? Très peu. Et ce n'était pas le genre du personnage, et pourtant, à plusieurs reprises, on l'avait averti qu'il risquait d'être assassiné. Alors ces soldats-là, d'où venaient-ils? Ce sont des hommes de Compaoré. Ah oui, Compaoré, le grand ami de Sankara. Et qui lui succédera à la tête du Burkina Faso. Alors c'est Compaoré qui l'a fait assassiner? On n'a jamais pu le prouver. D'ailleurs, Compaoré prendra bien soin d'affirmer qu'il était loin au moment de l'exécution. Mais il reconnaîtra néanmoins qu'il avait donné l'ordre d'arrêter son ami Sankara. De l'arrêter, mais pas de le tuer? Oui. Et ça, ça vous paraît crédible, franchement? J'observe seulement que les assassins ne seront jamais inquiétés et qu'il se trouvera même un médecin pour déclarer que Sankara est décédé de mort naturelle. Tirez-en les conclusions qui s'imposent. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de véritable enquête? Non. Et la veuve de Sankara, qui vit aujourd'hui en France, n'obtiendra jamais que la justice de son pays s'occupe sérieusement de l'affaire. Mais comment pourrait-il en être autrement? D'accord, donc... Compaoré, si je vous suis bien, hein, est impliqué dans cette affaire. Je n'ai pas dit ça, parce qu'encore une fois, je n'en ai aucune preuve. Ouais. Mais s'il n'avait pas été impliqué, il aurait ordonné une enquête sur la mort de son ami. Libre à vous de le penser. Je vois. Vous ne voulez pas vous engager, mais... Vous pouvez peut-être quand même me dire si on avait noté un refroidissement des relations entre les deux hommes, non? Un refroidissement, ça je ne sais pas. Mais on avait remarqué que de plus en plus Sankara gouvernait tout seul. Alors qu'au début de la Révolution, toutes les décisions étaient prises par un collège de capitaines. Un collège où figurait Compaoré. Bien entendu. D'autre part, alors que les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire n'avaient cessé de se dégrader, Compaoré, lui, avait fait le chemin inverse. C'est-à-dire? Eh bien, le fringant capitaine était du dernier bieu avec l'entourage du président Fouet-Bouni. Il avait même épousé une parente fortunée du vieux président ivoirien. Et il avait peu à peu renoncé au mode de vie spartiate qui était la règle pour tous les dirigeants du Burkina Faso. Il est certain que tout ça n'avait pas dû plaire à Sankara. Alors, on peut penser que les relations entre les deux amis, les deux grands amis... C'était distendu. On peut le penser. Sankara n'avait pas pu ne pas noter que Compaoré était l'objet d'une véritable manœuvre de séduction, au sens propre et au sens figuré de la part des Ivoiriens. Mais, publiquement, en tout cas, Sankara et Compaoré demeuraient les meilleurs amis du monde, même s'ils se fréquentaient moins. Ah bah oui, peut-être à cause du mariage de Compaoré, non? Oui. Compaoré, qui avait l'habitude de venir déjeuner tous les jours avec Sankara et son épouse, avait pris ses distances. C'est pas très étonnant, hein? C'est vrai, cependant, et encore une fois, je n'en ai aucune preuve. Il n'est pas exclu que dans l'ombre, certains aient voulu exacerber la rivalité entre les deux hommes. Alors qui? Des agents, il n'en manquait pas en Côte d'Ivoire. Dans l'entourage direct de Fouet-Boigny? Par exemple. D'autre part, on a noté que dans les mois qui ont précédé l'exécution de Sankara, une véritable pluie de tracts s'est abattue sur le Burkina Faso. Des tracts qui disaient quoi? On y accusait Sankara de dérives militaro-fascistes. On y lisait aussi des insinuations parfaitement sordides sur sa vie privée et celle de son épouse. Une campagne de diffamation coûteuse qui visait à creuser un fossé entre Sankara et les autres capitaines au pouvoir. Dont Compaoré. Et ces tracts, d'où venaient-ils? D'un pays voisin qui avait une frontière commune avec le Burkina Faso. Mais pas de la Côte d'Ivoire. Ça me paraît probable. Et ça faisait partie d'un plan dont la finalité était la liquidation sanglante du capitaine Sankara. Et Fokker, alors? Contentons-nous de remarquer que Sankara a été éliminé un an et demi après son retour aux affaires africaines. Il est clair, même si M. X ne le dit pas aussi précisément, qu'il soupçonne Jacques Foccart d'avoir joué un rôle dans le processus qui a conduit à l'élimination de Thomas Sankara. C'est aussi l'avis de journalistes comme Pierre Péan ou François-Xavier Verschave. Aussi est-il intéressant de chercher dans les mémoires de Foccart ce qu'il dit du défunt président burkinabé. L'homme d'État ne sera pas à la hauteur des espoirs qu'avait suscité son discours neuf. Le charisme de Sankara, allié à sa spontanéité, à sa sincérité, à son style de vie spartiate, lui vaut une popularité extraordinaire dans la jeunesse de toute l'Afrique. Au Burkina, on percevra mieux et plus vite les faiblesses et les extravagances du chef populiste qui se mue en despote dès que la classe politique relève la tête. Il est étonnant de constater que la légende de Sankara est encore vive à l'étranger alors que ses compatriotes ont eu à supporter sa violence et son inefficacité tant politique qu'économique. Moins d'un an après sa prise de pouvoir, il fait couler sang. 7 comploteurs ou prétendus comploteurs sont exécutés. Et plus loin, l'ancien conseiller du général de Gaulle ajoute assez curieusement comme s'il voulait se rattraper. Je ne peux pas dire que j'ai été fasciné, mais j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi un homme très intelligent et curieux qui aurait été capable de devenir raisonnable. Ces deux textes ont été extraits de Foccart parle, un ouvrage paru en 1995 chez Fayard. Enfin, un dernier témoignage très troublant. Peu de temps avant son exécution, Thomas Sankara donne une interview à Jean-Philippe Rapp, un journaliste de la télévision suisse. Le capitaine parle de son grand ami Plaise Compaoré, un homme intelligent et délicat, et il déclare ceci. « Un jour, des gens sont venus me voir, complètement affolés. Il paraît que Blaise prépare un coup d'État contre toi. Ils étaient le plus sérieusement du monde, paniqué. Je leur ai répondu ceci. Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même me prévenir. Cela voudra dire qu'il est trop tard et que ce sera imparable. Il connaît tant de choses sur moi que personne ne pourrait me protéger contre lui s'il voulait m'attaquer. Il a contre moi des armes que vous ignorez. Quelles armes ? Voulait-il seulement parler des mitraillettes qui l'abattront, lui et son entourage, le 15 octobre 1987 ? À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez aussi réécouter des émissions plus anciennes, ça vous coûtera 2 euros. Et si vous voulez les télécharger, ce sera 8 euros.